الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ففي درسنا الماضي أخذنا ثلاثة أحاديث ومنها حديث دخول المسجد والخروج منه وأحاديث في بعض أذكار بعض الصلوات المكتوبة. Donc on a appris la dernière fois le hadith qui cite l'entrée au masjid. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Et du khuruj du masjid. Allahumma as'aluka min fadlik. Et on a pris également des askar que l'on fait après les salawat. Et comme on l'expliquait, l'auteur ne cite que certains, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y a d'ailleurs trop le fi, irtilaf et tanawwa. Ça rentre dans la divergence de variété, ça veut dire que tu peux en faire plusieurs, celui-ci et celui-là. Tu peux tous les faire si tu veux, tu peux en faire un seul, tu peux en faire deux, ça varie. Ça varie. Et bien sûr, plus on en fait, mieux c'est. Mais parfois, nahnu la ajala, au shimn el kasal, yahsul, fa. Maria l'idrak kullu, la yutrak kullu, ou jullu. Si on peut pas tout faire, au moins on ne délaisse pas tout non plus. Taïb. Al-an, ça n'a troul, incha'Allah, fi l'bab min askar al-sabah wal-masa. Parmi les askar du sabah et du masa. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup également. Et on va en citer certains. Les plus connus et les plus importants. فهذا هو الحديث التاسع والأربعون من هذا الكتاب وهو التاسع من هذا الفصل. Donc c'est le 49e hadith du kitab, عموماً, et le 9e de ce fasl. أولاً, ces أذكار que l'on fait, أوقاتها تكون من طلوع الفجر. هذه أعني أذكار الصباح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. C'est à partir du moment de l'apparition du Fajr jusqu'au lever du soleil. Cela c'est le temps légiféré pour les Azkar du Sabah, qu'on appelle les Azkar du matin. Ils ont un temps moyen, mahdoud. Et ceux du Masa, il y a des khilaf et le Qawl al-Mu'tamad le mashhour, c'est du Asr jusqu'au Maghreb. Du Asr jusqu'au Maghreb. C'est le call qui est le plus adl parce que certains disent du Zohr jusqu'au Maghreb. Et évidemment, le Asr rentre dans le temps qui est entre le Zohr et le Maghreb. Donc, voilà, Irtiatan, pour être sûr que vraiment il se fasse, mieux vaut les faire après l'Asr. À savoir également que Massa, à la base, Massa, c'est fin d'après-midi, début de soirée. Donc le Zor, yani l'oraten, ma yatrul fi adal ma'ana. Lakin, kad yakun zalik, wallah alam. Taïb. Donc là, on va prendre le hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu. Yakul, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qal, man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk. وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك متفق عليه. Donc selon Abu Huraira, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui dit « La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk, walahu al-hamd, wahu ala kulli shay'in qadir. » Bon, ça on l'a déjà traduit, c'est des termes que vous connaissez. Celui qui dit cela 100 fois par jour, alors il aura l'équivalent de l'affranchissement de 10 esclaves. 10 joug. Il lui sera écrit 100 hasana. Il lui sera effacé, expié 100 Seyyi'a, c'est-à-dire mauvaise action. Atamaim Nesara'ir. Et il aurait une protection de Shaitan durant toute sa journée. Jusqu'à ce que vienne la fin de journée. Et que personne ne fera mieux que lui, hormis une personne qui aura fait plus que lui. Tout simplement. Donc ça, on va dire, c'est le minimum. Personne ne pourra faire mieux que toi si ce n'est quelqu'un qui aura fait plus que toi. Taïb. Donc le Rawi, c'est Abu Huraira, radiallahu anhu. Et sa tarjama a déjà été cité dans les kutub, dans les, à fois dans les abweb, sabiqa. Donc là, dans ce hadith, il n'y a rien qui précise que c'est le matin, en soi. D'accord ? Pour dire que c'est un hadith, que c'est un vikr qui est marsos li as-sabah. Il n'y a rien qui le dit. D'ailleurs, il le dit, celui qui le dit, وين الفقرة في يوم مئة مرة c'est-à-dire celui qui donne dans la journée 100 fois d'accord qu'il sera protégé de Shaitan dans cette même journée là jusqu'à ce que vienne la fin de journée. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut que Shaitan en le préserver? À quel moment? À la fin de la journée? Toute la journée. Donc à quel moment on va dire ce zikr? Dès le début. Donc une stinbat dans le hadith qu'on le dit au matin, c'est mieux. Maintenant, c'est pas khas bi sabah. Quand même, l'auteur, il va le dire. L'auteur va le citer, ça. Mais en tout cas, tu dois le faire hatta yom siya, avant le coucher du soleil. Donc, c'est un zikr du yom que tu peux faire au matin et tu peux faire il massa. Donc, il dit adl ashra riqab. Donc il aura l'équivalent d'une récompense de, d'affranchissement de 10 jougs, 10 affranchis, 10 esclaves, on va dire. Yani mis thawab i'taq 10 riqab, c'est-à-dire une récompense équivalente à l'affranchissement de 10 esclaves. Donc c'est une grande récompense. Pour peu d'actes, une grande récompense. Et qu'il sera écrit sans hasana, c'est-à-dire Allah Azza wa Jalla lui comptera sans hasana pour ce zikr. C'est comme si, en fait, pour chaque fois qu'il aura prononcé, il aura une hasana. Comme il le dit 100 fois, ben pour chaque prononciation, il aura 100 hasana. Allah alam. Et lui sera effacé également des seyyi'a. Mia seyyi'a. Sans seyyi'a, sans mauvaise action. Tayyib. Wa qala hirzan min ash-shaytan. Et Hivzon, c'est-à-dire qu'il sera protégé du Shaitan durant cette journée-là. Shaitan ne pourra pas lui nuire ou l'approcher. Et après la fin du hadith, ça déclare que personne n'aura plus que lui, si ce n'est quelqu'un qui aura fait plus que lui. T'as vu ? Donc Yaqul, fi sharh al-hadith, bayyana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-hadith fadl hadha al-kalima al-azima la ilaha illallah. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وان من قررها 100 مره نال فضلا عظيما. Donc il a dit là, le Nabi صلى الله عليه وسلم a cité le grand mérite et la récompense de celui qui dira ce zikr 100 fois par jour et qu'il aura une grande récompense. من تكفير السيئات والنيل الحسنات وأجر كأجر من اعتقى عشرا من الرقاب. Donc il aura l'équivalent de l'expiation de 100 péchés, on a dit c'est petit, qui va obtenir 100 hasanat et une récompense équivalent à l'affranchissement de 10 esclaves. وحفظ بها من الشيطان, qui sera protégé par ce zikr du shaitan. وكان نفعها عظيما يوم القيامة, et que يوم القيامة elle le sera grandement bénéfique. حيث يكون قائلها من المسابقين في الفضل ولم يسبقه إلا من زاد على ذلك. Et que cette personne-là sera parmi les gens justement qui ont été de l'avant, يوم القيامة, et que personne ne fera mieux que lui, hormis quelqu'un qui aura fait plus que lui. فيقول فوائد الحديث أيضا شأن كلمات التوحيد لا إله إلا الله وهي أجل كلمات على إطلاقه وأفضل ما قاله النبيون. Donc là, ça montre la grande valeur de cette parole, qui est la parole du Tawhid, qui est la ilaha illallah, traduite par nulle divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, et ce qui se ressemble en synonyme. et qu'il est la meilleure des paroles dans l'absolu que l'on puisse prononcer, c'est la ilaha illallah. Et c'est par cette parole-là qu'on rentre en islam, d'ailleurs. Et c'est par cette parole-là que l'on rentre au Jannah, évidemment également, en remplissant ses conditions. Et il a dit, c'est la meilleure parole que est prononcée le Nabiyoun. Comme a dit fil hadith, Afdal maqal al Nabiyoun, la ilaha illallah. La meilleure parole que les Anbiya ils ont dit, c'est la ilaha illallah. ثانياً أن من قال هذا التحليل مية مرة في يومه حصل على أجر المذكور سواء قاله متوالية أو متفرقة في مجالس أو بعضها أول النهار وبعضها آخره. Donc il a dit celui qui aura fait ce tahlil, le tahlil c'est le fait de dire la ilaha illallah 100 fois dans la journée aura la récompense citée. Et il a dit peu importe qu'il l'ait dit d'affilée ou de façon séparé. Par exemple, tu peux le dire à un moment 50 et à un autre moment 50. Un moment 10, un autre moment 10, un autre moment 10. D'accord ? C'est pas obligatoire de dire tout d'affilée. Un miché, c'est que tu l'as dit dans la journée 100 fois. Mais comme on l'a expliqué, pour avoir la protection du shaitan dans la journée, plus tôt tu l'auras dit, et plus tu seras protégé, évidemment. قال ثالثا ان الافضل ان ياتي بها بهذا التحليل متلاوية في أول النهار فليكون حرزا له في جميع نهاره. Donc le meilleur, comme on vient de le dire là, c'est qu'il le fasse depuis le début de la journée, afin d'avoir toute sa journée protégée, sous la protection contre Shaitan. هذا هو الأحسن. رابعا أن من قال هذا التحليل أكثر من 100 مرة في اليوم كان له الأجر المذكور والثواب آخر على الزيادة. طيب نعم. Donc celui qui aura fait ce tahlil plus de 100 fois dans la journée, aura la récompense citée. Et également, encore une autre récompense pour l'ajout qu'il aura fait. C'est-à-dire, si jamais tu le dis 100 fois, tu auras cette récompense-là. Et si tu le dis encore plus, bah, tu auras plus de récompense encore. Donc, c'est pas que tu fais 100, on dit c'est bon, j'ajoute pas. C'est pas une bid'a d'ajouter. D'accord ? Car le fait de dire la ilaha, on peut le dire à n'importe quel moment en réalité. خامسا أن من قال هذا الذكر كان كمن اعتق 10 رقاب في الجزاء voilà fil ijda. Ça c'est une subtilité à bien comprendre. Que celui qui aura fait ce zikr aura l'équivalent de la récompense de 10 affranchissements, mais ça ne veut pas dire qu'il aura que cela soit rendu valide. Par exemple, quelqu'un, on dit qu'il a un exemple, bon c'est pas réalisable, mais un exemple, il a 10 esclaves. Et va dire, bon, bah, je vais dire 100 fois ce zikr. D'accord ? Mais j'ai mes esclaves. C'est comme s'ils avaient libéré. On va dire, non, tu as la récompense de ce que tu auras libéré, mais ce n'est pas compté comme libération pour l'esclave que tu auras. En fait. D'accord ? C'est comme les gens qui vont dire, en lisant Surat al-Ikhlas, Yatou Adil Sulus al-Qur'an, il dit, c'est bon, je l'ai lu 3 fois, j'ai lu le Qur'an entier. On dit, non. C'est pas ça que ça veut dire. Vous voyez ? Ou quelqu'un qui. Les askars disent celui qui fait telle chose, il aura comme un hajj, ainsi de suite. On dit t'as la récompense, c'est-à-dire que le hajj ne doit pas le faire, pour celui qui ne l'a pas fait. Bien comprendre, entre al-jaza ou al-jaza. Al-jaza, c'est la récompense. Al-jaza, c'est le fait de rendre la chose valide et que tu n'as plus à la refaire derrière. Sadisan, anna dhikr afdal al-a'mal al-qawliya yu'ayyiduhu hadith alaw nabiyukum bi khayl a'malikum yani dhikrullah. Et que le dhikr, c'est le meilleur acte verbal que l'on puisse faire. Et cela est appuyé par le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ne vais-je pas vous informer de la meilleure des œuvres. Et il a dit c'est le rappel d'Allah azza wa jal. Et le zikr Allah a lâché wasi' am. Kullu ibadat tadkhul fi zikr Allah azza wa jal. Que ce soit des afkar que l'on fasse, du Coran que l'on récite, les kalimat tayyibah, tayyib, les salawat. Toute ibadah c'est du zikr. D'accord ? Toute ibadah c'est du zikr. Mais ahsan al-zikr, al-qawli, hadi al-afkar. Naam. طيب ونقول الدوزيام إن شاء الله تعالى هو الحديث 50 سكوتم حديث العاشر من هذا الفصل كذلك عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه رواه مسلم. هذا صاحب حديث précédent. Selon Abu Huraira, il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم, celui qui a dit à l'entrée du matin, et là on a expliqué, c'est le matin Shad'i, c'est-à-dire du Tulu al-Fajr et le Tulu al-Shams. وحين يمسي, au moment où il rentre en fin de journée, et on a dit que le waqt al-ahwal, c'est du asr au maghrib, celui qui dit subhanallah wa bihamdihi 100 fois, que personne yom al-qiyamah ne viendra avec meilleur que ce qu'il a fait, à part quelqu'un qui aura fait comme lui ou plus. Rapporté par Muslim. Donc le hadith c'est Abu Huraira. Donc là on a pris deux zikr, d'accord, du sabah et également du masa. Tayyib. Après ici c'est un verset comme qu'Allah Ta'ala wasabbih bihamdi rabbika qabl tulu'i shams wa qabl al-ghurub, c'est-à-dire purifie ton Seigneur de tout manque et de tout défaut, car sal tasbih wa tanzih Allah azza wa jalla an kulli aib wa naqs, avant le lever du soleil et avant son coucher. Donc ce verset, il est général, il est expliqué par la sunna, qui dit comment faire ce tasbih, à quel moment le faire, c'est-à-dire fi sabah wa fi masa. Et comme il a dit tout à l'heure, voilà, c'est mukhtasar, lam yati ahadun yawm al-qiyamah bi afdal mimma ja'a bihi, et que personne ne viendra yawm al-qiyamah avec mieux que celui qui aura fait cela, à part quelqu'un qui aura fait comme lui ou qui aura fait plus que lui. يقول في الشرح الإجمالي بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا الذكر العظيم الذي من حافظ عليه كل صباح قبل طلوع الشمس وكل مساء قبل غروب الشمس نال فضلا عظيما وثوابا جزيلا ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل من ذلك إلا من ساواه أو زاد عليه مما ورد في فضل هذا الذكر. Donc comme tout à l'heure on a dit que c'est un zikr qui est عظيم et que celui qui est persiste dessus, c'est-à-dire qui est régulier à le dire à chaque fois, avant le lever du soleil et avant le coucher, après le asr, qu'il aura une grande récompense. Celle-ci dans le hadith que personne ne verra avec mieux que lui au Mlaqiyama, à part quelqu'un qui aura fait comme lui ou qui aura fait mieux que lui. Après Faïda, une chose souvent que les gens s'imaginent, c'est que c'est Askar du Masa ou du Sabah. Principalement sur le sabah, il faut avoir fait la salat avant pour les faire. Ça, c'est pas un shart. Le shart, c'est d'ukhul al-waqt. D'accord ? Après, ça dépend du lieu où tu es. Des fois, tu as un lieu, le temps des rentrées, par exemple du fajr, la salat, elle vient un peu tardivement. Tu as du temps. Tu as une masafa avant d'aller au masjid ou quoi. Et ben, tu peux faire ces askar à ce moment-là. Ce n'est pas obligatoire de le faire après la salat. D'accord ? En réalité, ce qui est demandé, ce qui soit fait, comme la salat, dans son temps. Et celui qui oublie de les faire, Raflatin, eh ben il les fait quand il se rappelle. Par exemple, il a l'habitude de les faire, c'est Askar. Il a oublié de les faire à un moment, il était mashroul par une chose, quelqu'un parlait avec lui, il a nassir. Eh ben, une fois qu'il se rappelle, il les fait à ce moment-là. Il se dit pas, le temps les finit, c'est bon, je peux pas les faire. C'est comme la salat. Celui qui a oublié une salat, d'accord, ou qui a dormi dans son temps, eh ben il fait sa salat au moment où il se réveille ou qu'il se rappelle. Eh ben, le Askar, c'est pareil. Si jamais tu as oublié, mais tu es quelqu'un qui est mouazib alayha, tu as l'habitude de les faire, tu as une chose qui t'a fait oublier, et ben dès que tu te rappelles, tu les fais, même après le temps. Ah ben maintenant, tu les as pas fait, amdan, après tu dis je vais le faire plus tard, là c'est fini, le temps il est fini. Voyez. Donc celui qui a oublié, c'est que ça c'est valable pour toute ibadah takriban, que tu as oublié de faire, d'accord, ou presque tout, on va dire, c'est peut-être pas dans l'absolu, que tu as oublié de faire, et que tu te rappelles par la suite, alors fais-la. Beaucoup d'ibadat rentrent là-dedans, pas toutes. Par exemple, le siyam de Ramadan, t'as oublié, tu fais pas après le maghrib. Là, c'est fini. Le hajj, t'as passé le temps, tu fais pas après le mois du hajj. Mais il y a beaucoup d'ibadat qui sont à la base liés à un temps, quand t'as oublié malgré toi, et ben tu fais cette ibadat-là au moment où tu te rappelles. Et la salat, rentre dedans. La salat, rentre dedans. Donc le ajr cité dans ce zikr, annahu ahab al-kalam ila Allah. Donc c'est la parole préférée auprès d'Allah Azza wa Jal. Le tasbih, le tahmid, également le tahlil, wa ala dhalika. تحط خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. Que cela lui efface ses péchés, et là on parle des petits péchés, même si c'était l'équivalent de l'écume de la mer. يكتب له ألف حسنة وتحط عنه ألف سيئة. Par contre, je vois pas c'est écrit où dans le hadith. C'est ça qui me surprend. C'est que dans le hadith, c'est pas écrit ça. Donc je sais pas d'où l'auteur il a pris cette déduction. Qui dit qu'on lui écrit 100 hasana et qu'on lui fasse 1000 hasana et qu'on lui fasse 1000 sayya. Mais dans le hadith, c'est pas cité. Je sais pas si c'est une erreur d'édition ou quoi. Mais dans le hadith, c'est pas cité. وَنَّوْ تَزْبِيحَ الْخَلَائِقَ وَبِهَا يُرْزَقُونَ. Et que par la cause de ce tasbih, c'est une cause pour obtenir le risque d'Allah Azzawajal. يَقُلْ فَوَيْدِ الْحَدِيثِ فَضْلَ هَدَ الذِّكْرِ مُشْتَمِلَ عَلَى تَسْبِيحِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَنْزِيحِهِ عَمَّا لَا يَلِقُ بِهِ مِنَ النَّقَائِسِ وَالْعُيُوبِ وَمُشَابَهَةِ الْمَخْلُوقِينَ وَمَخْلُوقَاتِ. Donc ce zikr a une grande valeur et qui permet de purifier Allah Azzawajal de tout ce qui ne convient pas, de tout ce qui ne le sied pas, comme manquement, comme défaut, comme faiblesse ou comme ressemblance à sa créature. Quand tu fais le tasbih, ça amène à ça. Ala wa ma'ana subhanallah. Thaniyan, isbat al-mahamid lahu ta'ala fi asma'i al-husna wa sifatihi al-ula. Et là, ça montre, ça affirme al-mahamid, toujours du mal à traduire al-mahamid, c'est les louanges. D'accord ? Dans ses noms, ses plus beaux noms, et c'est ses attributs également, les plus beaux, les plus hauts. ثالثا مشروعية قول سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح و 100 مرة في المساء. Qu'il est légiféré de faire le tasbih, le tahmid 100 fois au matin et 100 fois en fin de journée. رابعا ان محل هذه الاذكار بعد الصبح قبل طلوع الشمس وبعد العصر قبل الغروب كما قال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل قبل الغروب. Et que les moments pour faire ces azkar, c'est après le subh, lever du soleil, lever du fajr, avant que le soleil ne se lève, avant le shuruq, et après du asr, avant le maghrib, comme dans le verset. خامسا ان من زاد على هذا القدر من التسبيح فله اجر زائد على ما ذكر في الحديث. Et que celui qui fait plus encore, évidemment, aura plus de récompense. سادسا ان قول سبحان الله وبحمده من افضل ما يقوم وما يقدمه العبد ليوم القيامه. Et ce tasbih, ce tahmid, parmi les meilleures choses que le serviteur pourra apporter avec lui يوم القيامه sur sa balance. نعم طيب هذا الذي أخذنا من هذين الحديثين لليوم فالحمد لله رب العالمين طيب